Mes pas dans mes pas, rêves en sillage, fantômes en cortège, au loin s'éloignent les îles bienheureuses. Le parfum des pinèdes flotte dans la mémoire. Mes pas dans mes pas, tournons la page aux voyelles obscures. L'énigme en miroir, la foudre ce soir, attire les platanes géants. Mes pas dans mes pas, les bouquets pourpres tombent sur l'océan. L'île des princes s'est retirée au royaume des elfes et des fées. Mes pas dans mes pas, c'est un jour cyclope, un soleil boiteux, un phaéton de pantomime. Voici que les rues s'animent d'objets rutilants, masques et déraisons dans l'Orient pervers, entre chiens et loups, un chant trop ancien, et puis rien, qu'on s'efface, mes pas dans mes pas, mon rêve dans l'au-delà.